Le soleil se lève, le live s'allume. Red Skill est prêt, c'est l'heure de la plume. Les premiers viewers arrivent là-bas, il est 12. Un matin en live, la famille s'accroche. Le chat, un café à la main, les discussions commencent. Un moment sain, des rires partagés, des conseils donnés dans ce stream calme. Tout peut arriver, pas besoin d'artifice, juste de la vérité. Des instants simples, une vraie sincérité. Mes viewers sont là, la famille commence. Chaque matin on danse la nuance. Énergie matinale, le live est posé. Call avec Ryder Skill. Une vibe légère dans ce monde virtuel. Tout est clair, le son enveloppe, la douceur s'installe. Chaque note glisse, une balade idéale. Red Skill au micro, un vrai compagnon dans ce live matinal, une vraie pompe. Énergie matinale, le live est posé. Qu'avec Red Skill, tout est apaisé. Une basse douce, voix qui caresse. Un moment pur, une vraie ivresse. Si on partage, on rit, on est bien. Oh, sur Twitch, le matin est serein. S'étire. Le jour s'éveille, mais le live continue. Loin des merveilles, les viewers fidèles. Sourires sincères, chaque instant ensemble et lumière. On crée, on vit, on avance ensemble. Ryder Skill et sa team, jamais ne tremble. Un moment suspendu, un souffle léger. Dans ce live, tout est partagé. Une pause, un souffle, un regard échangé. Le live respire, l'énergie chargée. Demain sera là, on reprendra avec Ryder Skill la vraie joie. Énergie matinale, le live est posé. Avec Ryder Skill, tout est apaisé. Une basse douce, voix qui caresse. Un moment pur, une vraie ivresse. On partage, on rit, on est bien. Sur Twitch, le matin est serein. Le live continue, la famille grandit.